Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. On va accueillir Émilie Gauthier. Voici sa chronique plein air qui se cargue dans son canot. Mais il n'y a pas de canot aujourd'hui. Veux-tu sortir avec moi? On pourrait dire carguer sur un banc de parc, peut-être, ou dans le gazon pendant qu'il est encore frais, mais il va être mouillé bientôt, pas mal. Hein? Il est déjà pas mal humide. Ouais, c'est ça, c'est pas mal gelé, là, je pense. Là. Pas mal frette. Mais à matin, il faisait pas très froid comparativement à hier. Je me serais pas couché en gazon à matin. Non, moi non plus, ouais. Non, c'est ça. Ben, moi peut-être, là, mais pour d'autres raisons. Ça veut absolument rien dire. OK. Ouais, c'est ça. Je cherchais une connotation. Mais il y en a pas, c'est ça l'affaire. Ça qui est beau, c'est quand il y en a toujours des connotations, t'es voix venir, tu sais. Comme là, il y en avait une parce que j'ai dit que t'as à venir. Mais... Boisé du séminaire. Tu vas venir, toi. Ben, c'est ça. Ben, séminaire, il y a des syllabes là-dedans qui pourraient aussi porter à faire un jeu de mots, mais je les utiliserai pas. Boisé du séminaire. C'est correct. C'est correct. On va... Oui, donc, c'est un tout petit boisé. Mais en fait, aujourd'hui, là, je vous dirais que moi, je cours partout ces temps-ci. Fait que je me suis dit, il y a peut-être du monde qui n'ont pas le temps de faire du plein air ces temps-ci, qui n'ont pas le temps d'aller dehors parce que moi, j'ai pas le temps. C'est très vrai, ça, bien des gens. Fait que là, je me suis dit, je vais vraiment rester tout près. Puis là, je me disais, j'ai déjà parlé de l'île Saint-Quentin, j'ai déjà parlé de... Mais l'autre côté, la Nicolet, là, il y a quatre beaux petits spots. C'est pas des grosses randonnées, là, mais tu sais, quelqu'un qui a le goût d'aller un petit peu dans la nature, je vais trouver quatre petits endroits, 15-20 minutes de route là, pour monsieur, madame, tout le monde qui n'a pas vraiment le temps ces temps-ci, là, qui court un peu. T'es fine, toi, avec monsieur, madame, tout le monde qui n'a pas temps de faire grand-chose ces temps-ci. Je sais. Donc, boisé du séminaire, c'est un petit boisé de 0,1 km². Donc, c'est vraiment tout petit, qui est constitué de deux parties. Il y a la partie séminaire et la partie Saint-Joseph. C'est comme deux sentiers. Si on veut, sont séparés par le boisé des Sœurs de l'Assomption. En parcourant les sentiers, on peut voir des statues, des clôtures qui sont des vestiges de l'ancienne académie. On traverse aussi deux étangs qui tiennent leur nom d'événements marquants de l'ancien lieu, si on veut. Fait intéressant à noter, dans la partie du séminaire, on trouve un pin âgé de 200 ans d'une hauteur de 34 mètres, ce qui est assez imposant. Qui est inscrit dans le répertoire de forêt conservation. Ah ouais, donc pas le droit de le couper. Ben moi je le couperais pas si j'étais toi. Assez risqué. T'as besoin du bois là, hein? T'as du bois pour l'hiver, je pense. Ouais. Donc c'est un petit sentier d'un kilomètre, c'est gratuit, ouvert toute l'année. C'est situé environ 15-20 minutes de l'université. Il y a un petit dépliant disponible à l'hôtel de ville de Nicolet, ou bien on peut se rendre au www.ville.nicolet.qc.ca. C'est ça. C'est le même, c'est ça. Parc de Lanceaupeur, notre prochain arrêt, notre road trip. Oui, c'est un parc qui est situé sur le bord du fleuve Saint-Laurent. On peut observer plusieurs phénomènes. On commence par emprunter deux passerelles de bois surélevées au-dessus de la zone inondable du lac Saint-Pierre. La première passerelle traverse une érablière argentée puis mène à une tour d'observation. Une érablière. Ça serait bon. Miam, ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas le temps, mais bon, par exemple. Non, mais ça s'en vient. Tranquillement, très tranquillement. Je dirais dans faut passer l'hiver. Hein. 6 mois, attends. Peut-être pas. Ouais. 6 mois, on va être au mois de juin. 3-4 mois. Ouais, je suis capable d'attendre. OK. Tout ça, ça mène à une tour d'observation d'une hauteur de 2,3 mètres qui offre une vue sur le lac et sur le fleuve. Donc, je pense que ça veut dire 12,3 mètres. Pardon. Que j'ai dit? Tu as dit 2,3 mètres. 12. Oui, excusez, pardon. Monter un petit stepette. Ouais, c'est ça. Excuse-moi. Après ça, il y a des panneaux qui décrivent les écosystèmes autour des passerelles. On peut même accéder à la plage. C'est peut-être plus ou moins tentant ces temps-ci, mais avec une bonne c'est paire possible. De bottes, là, je pense que ça peut juste faire une petite promenade cute, romantique. Donc, ça aussi, c'est situé à environ 15-20 minutes de l'université. On peut se rendre directement à l'hôtel de ville pour un dépliant touristique ou sur le même site, ville.nicolet.qc.ca. Personnellement, pour y être allé, moi, je trouvais que c'était un endroit très calme, très paisible. J'étais allé quand même en forte saison, je dirais avril-mai, quelque chose comme ça. Tu sais, le monde commence à ressortir. Mm-hmm. Puis, c'était calme, c'était paisible. Un petit peu venteux en haut de la tour. Je suis peut-être pas allé une bonne journée, mais... pour vrai, pour les gens qui n'ont pas le temps d'aller dans la grosse nature puis qui ont besoin d'un, t'sais, d'un beau petit point de vue. Pas trop loin. Un petit point de vue, pas trop loin. C'était un bel endroit, c'était vraiment calme. Relax. On est resté assis sur le banc en haut, là, puis... ouais, c'était le fun. Puis il y a peut-être 2-3 couples qui sont passés, mais sinon, c'était allez-vous-y, c'est ma place. C'est réservé. Réservé, on est occupé. On passe au... Oh, hey, wow, les détails. On passe au parc écologique Godefroy, maintenant. C'est un parc en régénération qui comporte un marais et une zone inondable. Donc, encore pour les gens en écologie qui voudraient observer certains endroits. On a 2 sentiers. Premièrement, le sentier de l'Érablière de 1,5 km qui passe à travers une érablière, d'où son nom. Et le deuxième sentier, le sentier de la Sauvagine, 1,2 km, va longer la rivière Godefroy et mène à une tour d'observation qui offre une vue sur la rivière. Le tout est complété par des panneaux d'interprétation qui renseignent sur la faune et la flore. Quoique, flore, il n'y a plus, à part les arbres, je dirais que c'est peut-être moins la saison pour observer ça. Mais bon. On a 2,7 km de sentier. C'est gratuit, ouvert de mai à décembre. Du lever au coucher du soleil. C'est situé à Bécancour, puis donc 10-15 minutes de l'université. 55 Sud, après ça, 132 S, puis le stationnement est situé à 1 km à l'intersection de l'avenue Godefroy. OK, donc il vous force à marcher un petit peu déjà. T'as le parking, là. Ouais. Tu traverses la rue, là, puis t'es là. Ah, 1 km, c'est si court que ça. Ouais, ouais, tout ça. Ouais. Numéro de téléphone, pour plus d'informations, 819-294-6500. Voilà, c'est ça. Évidemment, le numéro de téléphone est sur assemblagerequis.com dans ta chronique de cette semaine. C'est ça. Et dernier parc. Oui, parc linéaire, le Petit Déchaillon, barre oblique vers l'avant, Paris-Ville. Oui, c'était comme ça que ça s'appelait. Ça, c'est un peu loin, non? C'est 45 minutes à peu près. Pas mais encore. Je me dis, il y a beaucoup de monde qui viennent comme de l'autre côté. Oh, tout à fait. Beaucoup de monde qui viennent de Bécancour. De là, c'est 20-25 minutes. Fait que je me suis dit, on va pas cibler juste mes besoins à moi. Là, je vais rester... Il y a quand même beaucoup de personnes qui viennent de... Je sais qu'il y a du monde qui voyage de Drummond à tous les jours pour l'école, puis Bécancour, tout ça. Fait que je me dis, c'était pas si loin. C'est loin. Hein? J'imagine, tu pars de là, tu t'en viens ici, puis là, l'autre histoire, le stationnement. Oui, à l'UQTR, juste là. C'est mais là, là, les constructions sont terminées. Là, fait que ça a débloqué une trentaine de parkings. Oui, ouais. Jackpot. Puis, est-ce que c'est moi ou ils en font d'autres aussi? Juste à côté. Faudrait demander du aux zones campus. Ils ont peut-être des scoops. Peut-être. Je sais pas, j'ai pas remarqué. Hier, j'ai vu des. En tout cas, des pépines. Pépines? Des pépines qui étaient là. Il y avait des cônes. Wow! Des cônes, j'ai dit, t'as vu. That's amazing. L'asphalte là. On va aller voir ça. Ben, ok, on y va ensemble. On ira prendre une petite marche. Ben, ouais. Donc, parc linéaire, oui, c'est un parc qui débute à la vieille gare de Paris-Ville, qui emprunte l'ancienne voie ferrée qui a marqué, dans le fond, le début de la ville de Paris-Ville. C'est où on transportait le bois de la seigneurie. Le sentier passe à travers une forêt mixte, une prairie, et on coupe un rang où est-ce qu'on peut apercevoir plusieurs érablières. Un pont nous permet de traverser la rivière du Chêne, l'endroit est propice pour apercevoir des chevreuils. Oh. Je pense que ce temps-ci de l'année, ça doit être quand même être fort pour apercevoir ça. Je suis pas une chasseuse née. C'est ça, elle n'est pas étirée non plus. Non, je pense pas que c'est très permis non plus. Pas tant, non. Non, c'est ça. L'histoire de la voie ferroviaire est disponible en visitant la gare-musée à Paris-Ville comme telle. Donc, c'est 5,3 km de sentier gratuit, ouvert toute l'année du lever au coucher du soleil. Comme je disais, 45 minutes à peu près de l'université. On se rend à Bécancour. Dans le fond, sur la 132... Bon. 55 Sud, rendu l'autre bord, on suit la 132S. Puis après ça, la 265 Sud. Puis après ça, on suit les indications pour Paris-Ville. Puis on est pas mal rendu, je dirais. On peut accéder au parc par plusieurs points le long du parcours. Un dépliant est disponible à l'accueil ainsi qu'au bureau municipal. Pour plus d'informations aussi, on peut aller sur municipalité.parisville.qc.ca. Longue adresse et n'oubliez pas de ne pas mettre d'accent à municipalité. Hein. Aucun accent nulle part. Allié de toute ta chronique et de toutes tes chroniques même sont sur assemblagerequis.com. Oui. C'est facile l'accès aussi. C'est pas à 45 minutes, là, c'est à 3 secondes. Tap, tap, tap, www.assemblagerequis.com/. Fait que c'était ma petite chronique Nicolas Bécancourt, berge de la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Ben, ça résume bien la chose. Merci. Merci, madame. Merci. T'as un cœur, là, grand. Je sais, je pense à tout le monde, moi.